stato percorso. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL, le 89.1 au cadran et à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver autour de nouveautés et d'expressions sonores tout à fait réussies sur le plan artistique et qui se laissent tranquillement écouter. Comme je l'ai fait à d'autres occasions, je me suis amusé à dégager des textes qui accompagne les pistes sonores des mots, quelques mots qui me semblaient les résumer ou bien encore exprimer l'univers mental et social qui leur a donné naissance. Bon, c'est un pari pas trop risqué et plutôt efficace pour résumer des textes qui sont parfois très longs. Cela dit, je reçois ce soir la conceptrice sonore Ève-Marie Boucher, le duo Eau chaude, formée de Doris Abella et de Julien Bélanger. Et pour lancer la soirée, eh bien, j'accueille des créations récentes du chercheur et compositeur Richard Bégin, que j'ai eu la chance de vous présenter déjà. Richard développe depuis quelques années une réflexion artistique et académique autour des relations qu'entretiennent la machine, le son et l'environnement. Enseignant et spécialiste en études cinématographiques, Richard Bégin s'intéresse à l'art radiophonique et aux documentaires sonores. Il remportait il y a quelques semaines le premier prix d'un concours piloté par le label Unexplained Sound Group et de nombreux commanditaires suite à un appel de projet de création dans le domaine de la musique électronique. Alors, les membres du jury ont souligné la qualité des motifs harmoniques et cette atmosphère d'une belle étrangeté. La pièce s'intitule « Mouvement cyclonique des régions tempérées » et on écoute ça. Très belle création. Thank you. comme je le racontais en début d'émission, il y a parfois quelques mots-clés qui résument une démarche ou un projet. Dans le cas de Richard Bégin, les mots « destruction »,« mémoire », »,« désastre » et « environnement » sonnent comme des indices de grande préoccupation pour le sort à venir du monde. Son tout dernier projet sonore intitulé « Phase 5 » fait partie d'un projet de recherche sur la construction d'un environnement sonore d'où émergerait un sentiment de destruction, de perte et de mémoire. J'ouvre les guillemets, il dit ceci. Les mélanges de bruit, d'ambiance et de textures sonores ne visent pas à évoquer directement un désastre, mais à exprimer des affects, ses sensations. Phase 5 s'inspire des écrits de Walter Benjamin et de Maurice Blanchot, histoire de combiner les concepts d'environnement, de perception et de désastre. Voilà, et tout ça dans le but, je résume évidemment la pensée de Richard Bégin, tout ça dans le but d'analyser le pouvoir affectif du son. Alors, on écoute dans cette veine une création intitulée « Nomenclature du corps », c'est tiré de l'album « Phase 5 » de l'artiste Richard Bégin. Alors, on écoute ça. C'était Richard Bégin, des sonorités tirées de son album intitulé Phase 5 qu'on retrouve sur la plateforme suédoise Reverse Alignment. Maintenant, des mots pour décrire la trajectoire sonore de l'artiste Ève-Marie Boucher. Eh bien, j'y vais sans hésitation. Soupir, humour, poésie, espièglerie. Pour vous la présenter, je vous cite son autoportrait. Ève réfléchit à voix haute, faire l'amour ou la révolution. Pourquoi choisir? Et Marie, quant à elle, lève les yeux au ciel pour dire qu'elle est bien d'accord. Alors, si ces deux-là embrassent souvent des questions politiques, c'est surtout pour leur chercher des réponses poétiques. Je referme les guillemets. Ève-Marie Boucher est une autrice d'origine française qui a rédigé des textes qui ont été publiés et joué aussi au théâtre, à la radio et sous la forme de podcast. C'est d'ailleurs dans cette forme que je vous présente ce soir des travaux d'Ève-Marie. Travaux qui ont été récompensés pour leur qualité artistique et narrative. Alors, pour se familiariser avec ce beau travail de voix et d'ambiance, on écoute un projet intitulé Le cri du cafard, projet écrit et réalisé par Ève-Marie dans le cadre d'un atelier intitulé Nouvelle fiction sonore, tout ça organisé par Phonurgia, organisme de formation et de rayonnement des arts sonores. On écoute ça, Le cri du cafard d'Ève-Marie Boucher. À chaque fois que j'ouvre la porte de chez moi, j'ai peur d'en trouver des milliers. À chaque fois que j'ouvre la porte de chez moi, que partout où je regarde, ils soient là à me dévisager avec leurs petits yeux vicieux. J'ai peur que partout où je regarde, ils soient là à me dévisager avec leurs petits yeux vicieux pour me faire comprendre que chez moi, c'est devenu chez eux. J'ai peur d'en avoir partout. J'ai peur d'en avoir partout, qu'ils recouvrent tout mon corps. Tout mon corps jusqu'à me faire disparaître. Jusqu'à me faire disparaître. Des milliards de cafards qui grouillent partout. J'ai peur que rien ne les arrête. J'ai peur que rien ne les arrête, qu'ils se reproduisent sans cesse jusqu'à des millions. Des milliards de cafards qui grouillent partout. J'ai peur que rien ne les arrête, qu'ils se reproduisent sans cesse jusqu'à des millions. Qu'ils se reproduisent. Des milliards de cafards qui grouillent partout. Des millions, des milliards de cafards qui grouillent partout. J'ai peur. J'ai peur d'en avoir un qui me rentre dans l'oreille ou dans le nez. Venir me grignoter le cerveau. Si je me mets comme ça, sur la pointe des pieds, là, ils ne peuvent pas rentrer dans une poche ou dans une manche. Si je me mets comme ça sur la pointe des pieds, ils ne peuvent pas me rentrer dans une poche ou dans une manche. Passons que je m'en aperçoive. T'as entendu le bruit? Si ça se trouve, c'est eux. Ça doit ressembler à ça, le cri du cafard. Ça crie, les cafards? Viens, embrasse-moi. Arrête de chercher la petite bête. Mais pourquoi il crie comme ça? Tu l'as reconnu, toi, ce cri? C'était un cri de révolte, un cri de guerre, un cri de ralliement. Peut-être un cri de plaisir. Ah, oh, ben voilà! Maintenant, j'imagine une orgie de cafards. Je les vois les uns sur les autres, la respiration saccadée, leurs petits yeux révulsés de plaisir, et leurs cris. De longs cris aigus, de jouissance. Je les vois aussi, maintenant. Non, c'est affreux. Ça me coupe tous mes moyens. Je préférais encore imaginer une armée de petits cafards vicieux prêts à nous envahir et à nous détruire. Sale bête ! Vous savez que les cafards peuvent survivre à une guerre nucléaire ? Ils peuvent même vivre sans tête, ces putains de connards. T'en décapites un, tu te crois tranquille, et ben non, il est même pas mort. Vu que ce genre de bestiole, quand même, ça fait 35 000 œufs, 35 000 individus, il faut s'y prendre très rapidement. J'ai fait un drôle de rêve la nuit dernière. J'étais un cafard et j'entendais tout le monde crier « Débarrassons-nous des parasites, débarrassons-nous des nuisibles !» Et ils me visaient avec des bombes insecticides. Je suffoquais et eux, ils souriaient. Ah! Quoi? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est dégueulasse! C'est moche! Non, c'est mignon, regarde! Ah, puis ça bouge! T'as vu ces petites pattes-là bien articulées, là? Ça mord les cafards? Ça mange quoi? Il a l'œil tout triste, tu trouves pas? Ouais, avec leur petit regard en coin, on sait jamais ce qu'il trame. Faut l'écraser! Écoutez, entre nous les cafards et vous les humains, la compréhension est totale. Et croyez-moi, je le déplore. Tout notre drame est là. Dans cette incommunicabilité. Je suis sûre que ça transmet plein de maladies, ces bestioles. J'ai des problèmes d'ego, d'estime de moi. J'en parlais encore hier avec mon psy qui me disait « Jean-Bernard, soyez fier d'être un cafard. » Et au début, t'en as un ou deux, tu t'inquiètes pas. Puis à peine t'as le temps de dire ouf qu'ils sont des milliers et des millions. Fais l'invasion. Mais encore, retournez chez eux. Vous n'avez pas une tapette, là, quelque part? Chez eux, c'est où? Je sais pas, moi, en cafardie, cafardistan. Nous, les cafards, nous ne voulons pas le travail des humains. On se contente de leur reste. On recycle leurs déchets dans une démarche écologique, citoyenne, responsable. Si ça se trouve, c'est nous qui vivons chez eux. Ils étaient peut-être là avant nous. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire du cafard ? Il a bougé sa petite antenne. On lui a même pas donné de nom. Il essaie de nous dire quelque chose. Il m'a souri. Je suis sûre qu'il m'a souri. C'est pas bête du tout, du tout, du tout, du tout, la blatteuse. J'ai trouvé une spatule. Allez. Comment on s'en débarrasse du cafard ? Le cafard, il n'y a pas 40 millions de solutions. Ça me prend en pleine nuit. Ça me prend en pleine nuit. J'ai une boule dans la gorge. Une boule dans la gorge. Un poids sur la poitrine, comme une pierre. Un boulet que je trimballe là et qui m'empêche... Comme une pierre, un boulet que je trimballe et qui m'empêche de respirer. J'ai mal, mais je ne sais pas de quoi. Ça me donne envie de pleurer tellement c'est con. J'aurais besoin que quelqu'un me serre dans ses bras, mais il n'y a personne. Il n'y a jamais personne. Jamais personne. Comment on s'en débarrasse du cafard ? J'en ai jamais vu autant, quoi, de bestioles qu'en ce moment. Comment on s'en débarrasse du cafard ? Comment on s'en débarrasse du cafard ? Un bon insecticide ? Un piège ? Ça fonctionne, les pièges anti-cafards ? Le piège anti-cafard, il va pas traiter le problème. On s'en sert surtout pour localiser la personne, si elle veut se sécuriser, elle met un piège à cafard. Ça tue, mais ça tue pas le problème. Un insecticide, ça fonctionne ? J'ai peur que la vie passe sans que je m'en rende compte. Et une fois vieux, me retourner et m'apercevoir que je n'ai pas vécu. Au niveau des traitements, à l'heure actuelle, il y a des traitements qui sont tout à fait au point. Je ne sais pas si je veux m'en débarrasser. Comment on s'en débarrasse du cafard ? Je ne sais pas si je veux m'en débarrasser. Je ne sais pas si je veux m'en débarrasser. Il me tient compagnie quand tu n'es pas là. Il me tient compagnie quand tu n'es pas là. Et comme tu ne seras plus jamais là... Je ne sais pas si je veux m'en débarrasser. Il suffirait peut-être de l'apprivoiser. Cette peine, elle est à moi. Elle m'appartient. C'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant en moi. D'accord. Mais un cafard, c'est un peu répugnant quand même. Je préférais une libellule. Une jolie mélancolie tellement légère qui virevolte, qui virevolte, qui virevolte, qui virevolte. Je préférerais une libellule. Une jolie mélancolie tellement légère et qui virevolte, qui virevolte. À titre d'auteur et d'artiste, Eve-Marie Boucher a obtenu une bourse du Centre national du livre. Elle a également obtenu la bourse d'écriture Beaumarchais, SACD, pour un projet de série radiophonique et elle remportait en 2023, je le souligne, deux prestigieux prix pour cette création qu'on va entendre et qui s'intitule « La magie des ondes ». Eve-Marie raconte « J'ai découvert que j'avais des pouvoirs magiques, le pouvoir de transformer la bande sonore du monde et d'en faire un meilleur endroit pour vivre. » Je referme les guillemets. Magnifique travail. On écoute cette pièce intitulée « La magie des ondes ». Et si je vous disais que je suis capable d'amener la mer à Paris ? Je crois que je vais ajouter un peu plus de mouettes. Je peux aussi ralentir les vagues. Accélérer les mouettes. De plus en plus. Jusqu'à accéder à une musique secrète. Je peux même imaginer un son à ce qui n'en a pas. Inventer le bruit de l'obscurité. Vous faire entendre un son rouge. Un son sucré. Un bruit transparent à travers lequel on entend. Je suis aussi capable d'abolir le temps, de retrouver ma voix d'enfant, ça tourne. De faire chanter les absents. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour ressusciter les disparus. Je n'ai plus de faim, ma chandelle. Les voix chères qui se sont tues. Avec tous ces pouvoirs, je voudrais composer une autre réalité où l'humanité n'aurait pas merdé où on aurait encore un avenir possible. Pour commencer, je vais prendre un accessoire, parce que mon micro-ondes est magique. Le grand remplacement touche toute la France. Et les nuisances de l'immigration touchent toute la France. Il y a une insécurité folle aujourd'hui. Travailleuse, travailleur, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Je suis une femme travailleuse, je suis une simple employée. C'est la magie des ondes. Mais je suis fière d'être ceux qui travaillent. Mon grand remplacement à moi. Qui ne vivent que du produit de leur travail personnel sans exploiter personne. La prochaine fois, je change Donald Trump en Angela Davis, Jeff Bezos en Noam Chomsky, Emmanuel Macron en Louise Michel. Et bien voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Je vous reviens après la pause avec une autre création d'Ève-Marie Boucher et des créations sonores ensuite du projet intitulé Eau chaude. Alors voilà, à tout de suite. C K R L 89 1. Vous écoutez La Croche-Oreille. C'est quoi la différence entre la gauche et la droite ? La gauche, c'est la solidarité. Ça veut dire qu'on aide ceux qui en ont besoin. Et la droite, en gros, c'est chacun pour soi. Ça crevait pourtant les yeux. J'aurais dû m'en apercevoir depuis longtemps. Bah moi, je suis d'accord avec le chacun pour soi. Ma fille de 10 ans est de droite. T'es de droite ? Oui. Sérieux ? Où est-ce que j'ai merdé ? J'ai jamais autant douté de mes compétences parentales. C'est parce que je l'ai pas fait croire au Père Noël. J'aurais peut-être dû. Un bonhomme habillé en rouge qui donne des cadeaux à tout le monde. C'est une pub pour le socialisme. Je n'aurais rien dû négliger. Tu as fait un cauchemar, ma chérie. Mais tu sais que le monstre sous ton lit est de droite. Tous les monstres sont de droite, c'est bien connu. Est-ce que tous les moyens sont bons ? Non, mais viens, maman, tu l'as tué ! Oh, ma chérie, tu as peur ? Ah, mais chacun pour soi, hein. C'est toi qui l'as dit. Et ça, j'ai le droit. Oh, j'ai pas envie. Tu n'as pas envie de faire tes devoirs, ma chérie. Mais les droits, c'est la gauche, et les devoirs, c'est la droite. J'ai honte. Maman, on mange quoi ? Des choux de Bruxelles. Tu connais Bruxelles ? C'est l'Europe ultra-libérale. Berk ! C'est dégueu, hein. C'est ça, la droite. Ça laisse un goût amer dans la bouche. C'est la lutte finale. Je l'avais pourtant emmené faire sa première manif dans le porte-bébé. Sarko, c'est foutu. Ma chérie est dans la rue. Il faut garder son argent pour soi. Et quand on n'en a pas ? Bah, tu te débrouilles. Pour celle-ci, c'est mal barré, mais heureusement, j'ai une deuxième fille. Et toi, ma chérie, tu es de gauche ou de droite ? Gauche. Oh oui. Toi, tu penses qu'il faut, aider les pauvres ? Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis de gauche. Toi aussi, t'as le cœur à gauche. Oui, moi aussi, j'ai le cœur à gauche. C'est ici, ton cœur. Ah, c'est là. Je la préfère. Tu préfères ta petite sœur parce qu'elle est de gauche ? Mais ma chérie, je peux t'aimer de droite. Mamie, elle est de droite. Papa, plus ça va, plus il est à droite. Il limite extrême droite. Mais tu la préfères. Ça m'empêche pas de les aimer. Et t'es toujours de droite ? Non, maintenant je suis milieu. Maintenant t'es du centre ? Oui. Ouais. Elle est quoi ? Elle est droite. Arrête. Ow. Tu vois, ça c'est de droite ça, ce geste-là. Bah ouais. Ça c'est la répression ça. Le gauche c'est bien, c'est le bon. Mais oui, toi c'est la liberté d'expression, tu vois, et à droite là on a la répression. Ah ! J'ai changé d'avis. Parce qu'un peu de solidarité c'est bien. Un peu. Bon, c'est un début, on va se contenter de ça. On est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL de 89.1 qu'on peut trouver aussi sur ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gostin, microphone, on se retrouve ce soir autour de nouveautés sonores et d'expérimentations narratives, comme on vient de l'entendre avec un autre projet de création d'Ève-Marie Boucher, une créatrice sonore et autrice qui s'est révélée avec beaucoup de prestige. Et on poursuit ça sur un registre un peu différent, un registre de sonorité mixant le travail de la voix et les zones paysagères de l'intime comme des vastes territoires. Je vous présente des travaux récents du projet Eau chaude formé par les artistes Doris Abella et Julien Bélanger. Les mots-clés de ce travail pourraient bien être les suivants: éclatant, sommet, silence, faille noire, poudre blanche. Des mots que j'ai tirés de leur projet intitulé Live Recording Island. On écoute ça pour se mettre dans le ton ou encore dans l'ambiance. change of the sea. Give me the change of. She throws rocks at streetlights. She throws rocks at streetlights. At streetlights. She throws rocks at streetlights. At streetlights. At streetlights. She throws rocks at streetlights. She throws rocks at streetlights. Eh bien, ce projet Eau chaude qu'on vient d'entendre, c'est le projet commun de Doris Abella et Julien Bélanger. Je vous parle d'abord de Doris Abella. Après le Conservatoire de Nantes, elle est diplômée de 3 parcours complémentaires. Bon, le jazz, la musique actuelle, le piano classique. Doris s'engage dans différents projets musicaux. Son parcours de musicienne, dit-elle, est marqué par des projets de chansons électropop. Elle bricole ensuite dans Eau chaude son voix, perf et texte. En parallèle de cet engagement musical, sociologue à 16 heures, elle travaille dans les domaines de l'action publique culturelle et du mécénat. Alors voilà, je vous propose qu'on écoute un enchaînement de création du projet Eau chaude, c'est tiré de l'album Live Recording Island. Ist fehlt mine högstung oft ex farta sand in leid svisa grenen engreit ich jöklinum fjorda deuchta jupersprünger söft lung längi söft rot seit mun besatz fagna Meðan kenna munna sér fjöld, meðan hallar tegis kjöld, að mennirirnir erska, missa græta og sakna. Missa græta og sakna. Missa græta og sakna. Sagreta sagna Sagde hun kast i mit Udirektis skreiter Mamma gav mir kærlighed Gav mig jeg var skridt Fisker ikke vaka ud i verden I dør Eh bien, l'autre chaînon manquant de ce duo est constitué du créateur sonore Julien Bélanger, qui aime se définir comme un développeur de trucs artistiques, culturels et techniques. Julien cofonde en 2004 l'association nantaise Ping, explorant les sentiers numériques, ouvrant un Fab Lab en 2013 sur la base de logiciels libres. Engagé dans le croisement art, sciences, technologie, société, il développe des performances et des productions artistiques, organise des événements culturels coopératifs et s'investit en passionné de radiophonie chez Jet FM, puis sur la plateforme collaborative Pinode. Alors, on écoute cette fois un titre intitulé « Streetlight », c'est tiré de l'album « Live Valley » de Lérieux. On écoute ça. Thank you. Et bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des artistes Richard Bégin, Ève-Marie Boucher, Doris Abella et Julien Bélanger du projet Eau Chaude. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres ainsi qu'à la plateforme Unexplained Sound Group et Reverse Alignment. Cela dit, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site lacrocheoreille.ca ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute quand ça vous tente. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. On termine ça, cette soirée, sur des sonorités du projet Eau Chaude. Alors voilà, depuis les studios de CKRL, dans le quartier Limoilou, à Québec, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.